بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue l'explication du livre Le Ma'atul A'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, avec l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan حفظه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله عذاب القبر ونعيمه حق. الإمام ابن قدامة رحمه الله dit et le châtiment de la tombe ainsi que ses délices sont vérité. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وكذلك من الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه. تواترت الأحاديث في ذلك وأنكر المعتزلة عذاب القبر ونعيم القبر بناء على عقولهم الفاسدة ويقولون إنا لا نشاهد في القبر شيئا. نقول لهم هل الأمور مبنية على مشاهدتكم وعلى ما تحسونه أنتم أم على قدرة الله جل وعلا؟ أما ما لعقولكم ولا لإحساسكم دخل في هذا؟ لقد أنكرت المعتزلة عذاب القبر ونعيمه بناء على عقولهم الفاسدة. Donc également parmi les choses qui ont rapport avec l'invisible qu'a cité l'imam Ibn Qudama rahimahullah, dans lequel il faut ou auquel il faut avoir la certitude et la croyance ferme, parmi ces choses qui sont rapport avec l'invisible, le châtiment de la tombe ainsi que les délices de la tombe. Et ceci font partie sont des faits dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant le châtiment que les délices de la tombe. Et les hadiths à ce sujet sont mutawatir, ont atteint les plus hauts degrés d'authenticité. Et le Mu'tazila, qui est une secte égarée en islam, renie l'existence du châtiment de la tombe et également des délices de la tombe. Et ils ont pour preuve leur raison erronée, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Ils disent, nous, lorsque nous ouvrons une tombe, nous ne constatons ni châtiment ni délices. Et Cheikh Al-Fawzan dit, nous leur disons, ce genre de fait est-il basé sur ce que l'on constate et ce que l'on ressent, ou devons-nous croire au châtiment de la tombe selon ce que vous constatez vous et ce que vous ressentez, ou bien devons-nous croire en ces choses par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, en considérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Allah azza wa jal est capable de châtier un mort dans sa tombe, et que sa tombe soit, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un trou parmi les trous de l'enfer, sans que toi tu ne t'en rendes compte. Et en ouvrant une tombe, tu ne vois que des ossements, et tu ne constates ni châtiment ni délice, mais Allah azza wa jal est capable de toute chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le véridique. Dans ce genre de choses, la raison et le fait de ressentir ou de constater des choses de nos propres yeux n'a pas lieu d'être. وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر أو هو ما يصيبهم في الدنيا من المحن والمصائب. العذاب الأدنى قيل هو عذاب القبر وقيل هو ما يصيبهم في الدنيا من المصائب والنكبات وتسلط المسلمين عليهم بالقتل والسبي وغير ذلك ولا منع من إرادة الأمرين. Et le châtiment de la tombe a été rapporté dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également à l'unanimité des gens de la sunna. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate As-Sajda, Sourate La Prosternation, le verset 21, nous leur ferons goûter au châtiment d'ici-bas avant le grand châtiment. Et Cheikh Fawzan dit, le châtiment d'ici-bas, c'est le châtiment de la tombe. Ou, selon l'explication d'autres savants, c'est ce qu'ils vont subir dans cette vie d'ici-bas comme épreuve et comme catastrophe. Al-Azab al-Adna est le grand châtiment. Il a été dit que c'est le châtiment de la tombe, et il a été dit également que c'est ce que va subir ce que vont subir les non-musulmans dans cette vie d'ici-bas comme catastrophe et comme victoire des musulmans contre eux, et également le fait qu'ils se feront prisonniers ou qu'ils seront prisonniers, ils se feront prisonniers par les musulmans. Et Cheikh Al-Fawzan dit que les deux sens sont bons, les deux sens sont vrais, et cela prouve entre autres l'existence et l'attestation par Allah subhanahu wa ta'ala du châtiment de la tombe. Mais il y a des versets beaucoup plus explicites. وكذلك قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في عذاب القبر، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون، فدل على أن عذاب الغدو والعشي هذا في الدنيا وذلك في القبر، وإذا قامت الساعة فإنهم يصيرون في أشد العذاب والعياذ بالله. فالآية فيها دليل على عذاب القبر مع الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. Et le second verset de Surat Ghafir, le verset 46, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ici, Allah Azza wa Jalla parle de qui? De Pharaon et de ceux qui l'ont suivi. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Dans la première partie du verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ceci dans la tombe. Ceci dans la tombe. Puis Allah Azza wa Jalla dit: et le jour du jugement, il sera dit: faites entrer les gens de Pharaon au plus dur châtiment. Et ceci sera le châtiment de l'enfer. Il y a donc deux châtiments. Et le premier châtiment dont a parlé Allah Azza wa Jalla, le châtiment des gens de Pharaon et de ceux qui l'ont suivi matin et soir, ceci aura lieu pendant la tombe. Et c'est donc une attestation claire d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que le châtiment de la tombe existe bel et bien. Et en ajoutant à cela les hadiths, comme je l'ai dit, qui ont atteint les plus hauts degrés d'authenticité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, viennent appuyer cela et ne laisser l'ombre d'aucun doute. وقال المؤلف وأمر به في كل صلاة وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. Et l'imam ibn Qudama rahimahullah a dit: et le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé la protection d'Allah contre lui, et il a ordonné de le faire à chaque prière. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé la protection d'Allah contre eux, le châtiment de la tombe, et le prophète صلى الله عليه وسلم ne s'est pas contenté uniquement de demander la protection, mais il a ordonné, et c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, que c'est une obligation de dire l'invocation après le Tashahhud de la protection contre eux, les quatre choses que l'on va citer par la suite. Et certains savants sont même partis au fait que c'est obligatoire. C'est une protection qui est tellement importante qu'il est obligatoire de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فدل على أنه حق وعلى أنه واقع وثابت وإلا لم يستعذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc Cheikh Al-Fawzan dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé la protection contre le châtiment de la tombe. Cela prouve que ce châtiment est vérité et qu'il existe. et qu'il va avoir lieu, et si ce châtiment n'existait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas demandé la protection contre celui-ci. وأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة فقال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné de demander la protection contre le châtiment de la tombe à chaque prière. Il a dit صلى الله عليه وسلم demandez la protection d'Allah contre quatre choses: contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre la tentation du faux Messie ou de l'Antéchrist. Au shahid, anna ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam amara bil isti'adati min adab al-qabr, fadalla ala annahu adab waqi'un wa hasil, wa anna al-mu'mina yasta'idhu minh, wa adab al-qabr lahu asbab يصيب حتى المؤمنين بسببها فإنهم يعذبون في قبورهم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous a ordonné de demander la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe, et le prophète صلى الله عليه وسلم ne pourrait pas nous demander de la protection d'une chose qui n'existe pas. Et il y a des choses qui provoquent le châtiment de la tombe. Il y a des interdictions qui, lorsque même le croyant les commet, il peut être exposé, qu'Allah nous en préserve, au châtiment de la tombe. منها الغيبة والنميمة ومنها عدم الاستنزاه من البول فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أم ألا إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. Et ces péchés qui provoquent le châtiment de la tombe sont la médisance et le fait de ne pas se protéger de son urine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à proximité de deux tombes et il a dit à ses compagnons radiallahu anhum: ils sont châtiés, ces deux tombes, ou les habitants de ces deux tombes sont châtiés, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ala innahu kabir, bien au contraire, cela est très grand. Comment comprendre ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont deux choses qui... وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est facile à faire et qui apparaît banal aux yeux des gens. Et pour les gens, ce n'est pas quelque chose de gravissime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ala innahu kabir, ce sont des choses qui sont faciles à faire et que les gens négligent, mais les conséquences sont grandes. Les conséquences sont grandes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à l'un d'entre eux, il ne se protégeait pas de son urine. C'est-à-dire qu'il urinait sans se soucier de l'éclaboussement de son urine, si elle allait tacher ses vêtements ou non. Il ne prenait pas les précautions nécessaires pour se protéger du retour de son urine. Et j'ouvre une parenthèse sur ce point, c'est le fait qu'il ne faut pas rentrer dans l'exagération sur ce domaine. Et tu dois prendre tes précautions pour te protéger de ton urine, mais ne recherche pas non plus les gouttes microscopiques. Ne recherche pas non plus les gouttes microscopiques et à chaque fois que tu vas aux toilettes, de changer tes vêtements parce que tu considères qu'il est impossible de se protéger de son urine et que dans ce cas, à chaque fois que tu entres aux toilettes, tu es obligé de changer tes vêtements et cela va causer des gênes à toi, aux membres de ta famille qui vont devoir faire 4 ou 5 machines à laver par jour. Tu vas rendre la vie difficile à tout le monde et cela peut même amener à ce que cela soit trop dur pour toi et que tu t'arrêtes de faire les ablutions et donc de faire la prière. Donc prends les précautions qui sont demandées et fais ton possible pour éviter que tes vêtements soient tachés d'urine, mais ne sois pas non plus un psychopathe dans ce domaine. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallam a dit la yastatiru min bawli. Dans d'autres hadiths, le prophète sallam a dit il ne se cache pas lorsqu'il urine, c'est-à-dire qu'il urine devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il urine devant tout le monde. Et ceci n'est pas un comportement que doit avoir le musulman. Lorsque tu fais tes besoins, tu dois te cacher des yeux des gens et tu dois te mettre à l'abri des regards. Et quant à l'autre, فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. Et quant à l'autre, il parcourait les gens avec la médisance. Et ici, النَّمِيمَة, c'est le fait de colporter des informations à des personnes dans le but de semer la zizanie, la discorde entre eux, et même si ce que cette personne colporte comme information est vrai. Même si les informations qu'elle colporte sont vraies, cela est considéré comme de la médisance, car le but est de créer de la divergence, de la zizanie, de la discorde entre tes frères. Et certains disent, mais de toute façon, moi j'ai pas fait de mal, j'ai dit que la vérité. Il avait dit ça sur l'autre, et l'autre avait dit ça sur l'autre. J'ai pas menti. Et la preuve, j'ai enregistré. Tu veux écouter? Écoute. Écoute, Harry, je veux pas savoir, moi. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, si c'est vrai, c'est de la namima, et si c'est faux, c'est encore pire. Donc le débat n'est pas les informations que tu as colportées sont-elles vraies ou non. Même en partant du principe que c'est la vérité même, tu as commis un grand péché, et c'est l'un des péchés qui cause ou qui provoque wa la yad billah, le châtiment de la tombe. فدل على أن عذاب القبر يحصل للمؤمن بسبب ذنوب ارتكبها في الدنيا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب في قبره بما نيح عليه فالنياحة على الميت تسبب تعذيبه وهي سبب من أسباب تعذيبه في القبر في قبره. Donc ce hadith prouve que le châtiment de la tombe peut atteindre même les croyants. Est-ce qu'un croyant peut uriner sans se préoccuper de son urine? Oui. Donc, il peut aussi potentiellement subir le châtiment de la tombe. Et également, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mort est châtié dans sa tombe à cause des lamentations qui sont faites sur lui. Les lamentations sur le mort sont donc une cause aussi du châtiment de la tombe. Donc si une personne meurt, et même si elle est pieuse et que sa famille se lamente sur son cas en criant, en déchirant leurs vêtements, en griffant leur visage et autres, en exprimant leur chagrin d'une façon non légiférée en islam, cela peut être une cause qui va faire en sorte que ce mort sera châtié dans sa tombe, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. ثم قال المؤلف وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. Et la tentation de la tombe est vérité, et les questions de munkar et de nakir sont vérité. مما يجري في القبر أيضا سؤال منكر ونكير من الملائكة أنه إذا وضع الميت في قبره وسوي عليه القبر وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده وهذه الحياة برزخية ما هي مثل إعادتها في الحياة على الأرض لا يعلمها إلا الله جل وعلا فتعاد روحه في جسده ويجلسانه فيقولان له من ربك وما دينك وما نبيك فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتلعثم ولا يتردد لأنه كان مؤمنا في هذه الدنيا مؤمنا بالله ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسكا بدين الإسلام فلا يتلجلج في السؤال ولا يتردد. Également, ce qui va avoir lieu dans la tombe, c'est les questions de Munkar et Nakir, qui sont deux anges. Lorsque le mort sera placé dans sa tombe, et lorsque celle-ci sera aplatie sur lui, et ceci fait partie de la sunna du professeur al-Sallam, qui est de d'aplatir les tombes et de les égaliser et de les aligner, et de ne pas construire au-dessus de la tombe ni la surélever par rapport au sol. Donc lorsque le mort sera placé dans sa tombe et que celle-ci sera refermée sur lui, et que ceux qui ont assisté à ses funérailles partiront, il entendra le bruit de leurs pas. Et c'est à ce moment que les anges viendront et son âme sera retournée à son corps. Son âme retournera à son corps. Et ceci est la vie appelée al-barzakh, qui est une vie intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Ce n'est donc pas le fait donc que l'âme revienne au corps, elle ne reviendra pas de la même façon qu'elle reviendra le jour du jugement lorsque les gens seront ressuscités, mais elle y reviendra d'une façon qui n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'âme retournera au corps, les deux anges feront asseoir cette personne et lui diront: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète? Le croyant dira: mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam et mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il dira cela sans hésitation et sans gêne, car il était croyant effectivement dans cette vie d'ici-bas. Il croyait en Allah, le Seigneur de l'univers. Il croyait, hamukallah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est accroché à la religion de l'islam. Et bien cela l'aidera à répondre de façon ferme aux questions de ces deux anges, Munkar et Nakir. Amma al-munafiq, alladhi kana ya'ishu fi hadhihi ad-dunya 'ala ash-shakk, wa huwa yad'i al-islam bi-lisanihi, wa huwa munkir bi-qalbihi, fahada ya'jizu idha su'ila fi al-qabr, wa yatahayyar wa yaqul ha ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu, fal-awwalu yun'am ويفتح ينعم ويفتح له باب إلى الجنة وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. Quant à l'hypocrite, à celui qui a vécu dans cette vie d'ici-bas avec le doute, qui prétendait l'islam par sa langue mais condamnait cette religion par son cœur, eh bien il sera incapable de répondre aux questions de ces deux anges et il sera perdu. Il dira: ha ha, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire des choses et je les ai dites. Le premier donc, le croyant, sera comblé de bienfaits et il lui sera ouvert une porte vers le paradis. Quant au second, il sera châtié et la tombe se rétrécira jusqu'à ce que ses côtes s'entrelaceront et il lui sera ouvert une porte vers l'enfer. As'alullah al-thabat, wa lidhalika yaqulu Allah jalla wa ala: yuthabbitu Allah alladhina amanu bil qawli al-thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allah adh-dhalimin wa yaf'alu Allah ma yasha. Donc Cheikh Fawzan dit: nous demandons à Allah azza wa jalla qu'il nous raffermissent en ces moments. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit qu'Allah raffermira ceux qui ont cru par une parole ferme dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et Allah Azza wa Jalla égarera les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Donc Allah Azza wa Jalla raffermira ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas afin qu'ils meurent musulmans, mais aussi dans l'au-delà il les raffermira leurs paroles, et ceci notamment lors de la réponse ou lors des questions des anges Munkar et Nakir. هذا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره هو وأصحابه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيستحب للمسلمين إذا فرغوا من دفن الميت أن يقفوا على قبره ولا يستعجلوا في الانصراف، واسال له التثبيت واستغفر له فان الله ينفعه بذلك لان دعوه المسلمين مستجابه. Donc ceci prouve que le châtiment de la tombe existe et également que les questions de Munkar et de Nakir sont vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait d'enterrer un mort, il se mettait debout au niveau de celui-ci, lui ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait: Istaghfiru li akhikum, demandez le pardon à votre frère, et demandez aussi à Allah qu'il le raffermisse, car il est maintenant en train d'être questionné. Car il est maintenant en train d'être questionné. Il est donc recommandé aux musulmans, lorsqu'ils ont terminé d'enterrer un mort, de se mettre debout au niveau de sa tombe et de ne pas se précipiter à partir, et de profiter de ce moment pour demander à Allah Azzawajal de raffermir la parole de ce défunt et de demander à Allah Azzawajal qu'il lui pardonne, car Allah Azzawajal profitera à ce mort, où ses invocations profiteront à ce mort, car les invocations des musulmans sont exaucées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعذاب القبر حق ولا ينكره إلا ملحد وقد أنكرته المعتزلة بناء على عقولهم الفاسدة لأنهم يقدمون العقل على النقل فلما كانت عقولهم لا تدرك عذاب القبر نفوه وكذبوا بالأحاديث نسأل الله العافية. Et le châtiment de la tombe est donc vérité, et ne nie le châtiment de la tombe qu'un athée, et al-Mu'tazila ont nié le châtiment de la tombe à cause de leur raison erronée, car ils précèdent la raison au texte. Et ceci est une règle en islam, c'est que tu dois toujours précéder le texte à la raison. Tu dois précéder le Coran et la sunna du professeur à la raison. C'est-à-dire que même, ici il y a des choses rapportées dans le Coran et dans la sunna du professeur qui ne veulent pas rentrer dans ta petite cervelle et que tu n'arrives pas à comprendre, tu ne dois pas rejeter ces choses parce que tu ne les as pas compris et parce que cela n'est pas raisonnable pour toi et cela n'est pas rationnel. En islam, on doit accepter tous les textes, tout, et le Coran dans sa totalité et les hadiths authentiques du prophète sallam dans leur totalité, que leur sens entre dans nos cervelles ou qu'ils n'entrent pas. Nous devons les considérer vrais et croire en ceci et ne pas faire comme al-Mu'tazila et comme beaucoup d'autres sectes qui, lorsqu'ils ne comprennent pas un hadith ou lorsqu'ils n'arrivent pas à le concevoir, ils n'hésitent pas à le rejeter, même s'il est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. وأمور الغيب وأمور الآخرة لا دخل للعقول فيها لا تدركها العقول وإنما تبنى على الأخبار الصادقة فنؤمن بها بناء على الأخبار الصادقة ولا نقول بشيء إلا ما دل عليه الدليل من أمور الآخرة وأمور القبر لا أحد يتكلم ويثبت شيئا إلا بدليل صحيح من الكتاب والسنة لأنه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى هذا من الإيمان باليوم الآخر لأن القبر أول منازل الآخرة. Et donc toutes les choses qui ont un rapport avec l'invisible, comme je l'ai dit, la raison n'a pas lieu d'être. Et il y a des choses que la raison ne peut pas concevoir. Et il faut prendre en compte les textes religieux, la sunna du professeur sallam, ainsi que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas dire des choses provenant de nous, mais toujours dire des choses qui sont issues du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, car les choses de l'invisible ne sont connues que d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a vu à plusieurs reprises. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dit: ne connaît les choses invisibles dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà que Allah. C'est une règle donc extrêmement importante de toujours faire précéder les textes, le Coran et la sunna du professeur Hassan à la raison. Et si tu ne fais pas cela, eh bien un jour ou l'autre, tu seras égaré, soit partiellement, soit totalement, et certains même n'hésitent pas, comme je l'ai dit, à réfuter des hadiths. Par exemple, le hadith où le professeur Hassan a dit: النيل والفرات ينبعان من الجنة. Que le Nil et le Frat prennent leur source du paradis. C'est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui arrive à concevoir ce hadith? Et comment est-ce que le Nil et l'Euphrate, qui sont des fleuves que l'on constate, que l'on voit, que l'on peut aller voir, comment est-ce que l'on peut comprendre qu'ils émanent ou que leur source provient du paradis? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé et le hadith est authentique, donc nous devons croire en cela, même si cela ne rentre pas dans nos cervelles. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك